sont de parler pour ne rien dire. Mais je suis là quand mes sauces flanches. Marre de cette sale routine et bouffer des kebabs sauce blanche. Un trou noir, c'est trop blanc. Mais je perds à tout le temps. Le phrase est phrase et volcan. Je choque un max, c'est fou le camp. Papa, je reste faillard. J'écrase les barrages. Pop, pop, pop, pop, je me tape des barres. Tu laisses un carnage. V'là le barbare. Père, père qui plus est. Qui se permet d'épuiser. La grammaire t'en abuser est bien lusée. Tout ça pourquoi? Je veux voir la sauce qui saute. MSD, c'est Daddy et sauce qui saute. Ça pose au mic. Avec le salon des VK et puis la PN et Numan. Quand j'ai ouvert la bouche, t'as reconnu qui c'était. Non pas parce que je pute la gueule, mais parce que je crache des mots vrais. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, NP, MSD au micro. Yeah, yeah, yeah, yeah, y'a le feu dans ton postéréo. Et ouais gros, ha. J'ai sorti le stylo de ma trousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça glisse, ça glace pour faire des discours. Des termes, c'est toujours la même chose. Des termes qui se noient dans ma prose. Dose bien qui je suis, d'où je viens, ce que je vis, ce que je vaux, ce que je vise et ce que je veux pour demain. La réussite des miens qui s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Une heure d'espoir pour mes frères qui sont censés ça l'épreuve. Sans avoir à passer le bac, car tu sais d'où l'on vient. On doit passer l'examen de nos consciences pour se mettre bien. Le micro est une arme et tu sais pas t'en servir. Alors pose-le à terre, mec, si tu veux t'en sortir. C'est la violence qui prime, et si t'as bien appris. Quand tu te fais prendre ta tête, t'es mis à prix. Les jeux, l'argent, les gens, les gestes. Aucune gentillesse dans tout ça, vous avez un coup de merde indigeste. Ça rêve de rue, de rue d'action. Chez moi, ceux qui en tiennent vont craquer des parties d'action. Parties d'action en situation. Ça se tue à croire, ça vient de la foule comme si tu as. Ils ont envie d'être un César comme César. De désastre domicile, être un homme ici n'est pas au norme ici. Ça rêve de gangsta, le gars du ghetto. Mais ça confond la vie avec les films et grandes photos. Et les clips qui montrent leur réussite. De par suite, atrocité, des suicides, notre éclipse. Sais-tu qui est-ce qui tire les ficelles? Tous d'une façon forte officielle te prennent pour un pantin. Pour peu qu'ils en portent un au moment opportun. Un coup de taser dans le terrain, tous passent leur chemin. Seul autour, un vautour et huit chiens. À la peine au secours, personne ne répond présent. S'ils font un détour, c'est qu'ils trouvent ça vraiment trop stressant. Les gars la vue à 13 ans, et voilà l'arraché aggravé au JT 13h. Les faits n'existent pas, l'on me dit t'as pas trouvé de trésor. Tu finiras au fond de l'océan, car ce n'est pas de ton ressort. Car ce n'est pas de ton ressort. Comment rebondir avec la justice au cul? On croit peser mais ça te balance, nous prouve que ça n'est plus. Ok ok, ouais ouais, j'ai dans votre cœur, ouais. Chaque matin mon flow s'habille, se fait du pile, qu'on veut que mon pic t'épargne. Note pas des barres, mon trou avance et t'offre un pic départ. J'arrive ici à plus d'euros que dans ton livre d'épargne. J'invite tes émotions sans avoir MMA, c'est que des bannes. J'déballe, j'dévale sur la montagne des faces. En face mes phrases, t'es comme un bus en face. Des femmes, j'efface mon passé. Passe la main au futur, au coup des liens avec le rap que j'dévolerai sous toutes ces coutures. À l'échelle de nos rêves, c'est le THC qui a le plus grand pourcentage. La jeunesse tourne en rond, comme quand t'avances en débloquer le Neyman. C'est Paris 18ème, bienvenue dans notre résidence. Y'en a marre de la galère, t'as qu'à faire preuve de résistance. On avance mais ça marche, il sert ça car la vie dans le vice disperse ça. Regarde ici tes mains, à part du sang, je vois pas que le vice sert ça. J'ai toujours été discret dans mon attitude. Mon rap prend de l'amplitude dans le casque. Mais quand je titube, c'est pas par habitude. Les combats qu'on mène, nous tu mal, on combine nos têtes pendant que tu tapes. Mon mobile est morbide, je veux pas être morbide. Mon profil s'évapore, on mise pas sur le profit mais l'apport. Depuis un bail à fermer la porte, c'est pour ça que je suis sous ivresse. Ça tièce dans la gorge, j'ai la carte qui fait valser ma mécanique. On t'accorde un peu de délai avant de finir au placard. Les canines, bois tu invité comme la T-Sec pour te canner. Je resterai paré même après 16, ça sent le poisson pané. Je vais pas me tèche de l'acheter, pas faire propre de l'acheter. Un cocktail de bon marché pour marcher. Même si dans le clan y'a trop d'archers, on fisse le Bataclan. Nos glands sont tous chargés, mais le trajet perdu par en couille dans la campagne. Je m'aventure comme Jeanne d'Arc, on craque pas sous le champagne et je m'en pars. Du mal, t'inquiète pas, j'ai la pointe. Je vais pas me casser la voix ou finir comme Balafre.